Deuxième livre des Rois, chapitre 22. Josias était âgé de 8 ans quand il commença à régner, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, et marcha dans toute la voie de David son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Or il arriva la 18e année du roi Josias, que le roi envoya dans la maison de l'Éternel, Saphan, fils d'Atsalia, fils de Mésulam, le secrétaire, en lui disant, « Monte vers Ilkija le grand sacrificateur, et dis-lui de lever la somme de l'argent qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui gardent les vaisseaux ont recueilli du peuple. Et qu'on le délivre entre les mains de ceux qui ont la charge de l'œuvre, et qui sont commis sur la maison de l'Éternel, qu'on le délivre, dis-je, à ceux qui ont la charge de l'œuvre qui se fait dans la maison de l'Éternel, pour réparer ce qui est à réparer au temple, savoir aux charpentiers, aux architectes, et aux maçons, et afin d'acheter du bois et des pierres de taille pour réparer le temple. Mais qu'on ne leur fasse pas rendre compte de l'argent qu'on leur délivre entre les mains, parce qu'ils s'y portent fidèlement. » Alors Ilkija le grand sacrificateur, dit à Saphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, » et Ilkija donna ce livre à Saphan, qui le lut. Et Saphan le secrétaire s'en vint au roi, et rapporta la chose au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui a été trouvé dans le temple, et l'ont délivré entre les mains de ceux qui ont la charge de l'œuvre, et qui sont commis sur la maison de l'Éternel. » Saphan le secrétaire fit aussi entendre au roi, en disant, « Ilkija le sacrificateur m'a donné un livre, et Saphan le lut devant le roi. » Et il arriva qu'aussitôt que le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et il commanda au sacrificateur Ilkija, et à Ahikam fils de Saphan, et à Akbor fils de Mikaja, et à Saphan le secrétaire, et à Azaja serviteur du roi, en disant, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, et pour le peuple, et pour tout Juda, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé, car la colère de l'Éternel qui s'est allumée contre nous, est grande, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, pour faire tout ce qui nous y est prescrit. » Ilkija donc le sacrificateur, et Ahikam, et Akbor, et Saphan, et Azaja s'en allèrent vers Ulda la prophétesse, femme de Salom fils de Tigba, fils de Hara, gardien des vêtements, laquelle demeurait à Jérusalem au collège, et ils parlèrent avec elle. Et elle leur répondit, « Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, dit à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi a dit l'Éternel, voici je m'en vais faire venir du mal sur ce lieu-ci, et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre que le roi de Juda a lu, parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont fait des encensements aux autres dieux, pour m'irriter par toutes les actions de leurs mains. Ma colère s'est allumée contre ce lieu, et elle ne sera point éteinte. Mais quant au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous lui direz, ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, touchant les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur s'est amolli, et que tu t'es humilié devant l'Éternel, quand tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu-ci, et contre ses habitants, qu'ils seraient en désolation et en malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements. Et que tu as pleuré devant moi, je t'ai exaucé, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je vais te retirer avec tes pères, et tu seras retiré dans tes sépulcres en paix, et tes yeux ne verront point tout ce mal, que je m'en vais faire venir sur ce lieu. » Et ils rapportèrent toutes ces choses au roi.